La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Et puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger. Que faut-il faire? Oh, que faut-il faire? Kabakouye. Que faut-il dire? Oh, que faut-il dire? Koutoubouye. Si je dis oui, j'ai peur du patron. Kabakouye. Mais si je dis non, la femme va se venger. Koutoubouye. Ah, quelle affaire! Ah, quelle histoire! Que faut-il faire? Que faut-il dire? Si je dis oui, si je dis non, ah, quelle histoire! Ah, quelle affaire! Koutoubouye. Mais si je dis non, la femme va se venger. Koutoubouye. Ah, quelle histoire! Ah, quelle affaire! Que faut-il dire? Que faut-il faire? Si je dis oui, si je dis non, ah, quelle histoire! Ah, quelle affaire! Histoire, à quelle affaire?